Chuzumichi. Ton scénario, on fait pas de cinéma. Ici c'est 110 boys, peu à peu. La pote à peu. Peu à peu, pose-moi. Pose-moi.